بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, حفظه الله تعالى. 9e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وهو عبد الله أبو بكر ابن أبي داود سجستاني الأشعث رحمه الله تعالى في منظوماته حائية ابن أبي داود قال يعني 19e et 20e vers. قال وقول قول في الصحابة كلهم ولا تكو تعانا وتغيب تشرح وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح أي في الصحابة تمدح وقول قول في الصحابة كلهم ولا تكو تعانا وتغيب تشرح وقد نطق الوحي مبين بفضلهم وفي الفتح أي وآي في الصحابة تمدح. Donc ces vers maintenant sont venus pour exposer le sujet du statut des sahaba, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance des gens de la sunna. Donc comme on avait dit, قل, c'est le verbe à l'impératif de قال يقول, dit. L'imana il donne irtaqid. L'imana irtaqid, c'est-à-dire tu dis et tu as pour croyance. Fis sahabati kullihim, à propos de tous les compagnons. À propos de tous les compagnons. Wala takuta anan wa taghibu tarjahu. Wala la nahiya. Jazima. Taku, on a déjà dit taku, c'est quoi? C'est yakun. C'est takun. C'est taku, c'est la. Wala taku. C'est le verbe kana yakunu. Majzumbi la nahi. Et là, le nun était enlevé tarfifan. Là-bas, c'est la takun. On en a déjà parlé. Ta'anan. Ta'an, c'est le sira mubalagha de ta'ana yata'anu. À la base, ta'ana, c'est critiquer, ça peut être aussi poignarder, diffamer, offenser. Fa ta'an, à la waz fa'al. C'est-à-dire ne pas les diffamer. Et que soi-même en sira mubalagha, ta'an, c'est-à-dire celui qui fait beaucoup de diffamation, cela ne veut pas dire que tu as droit d'en faire un petit peu non plus. Ni beaucoup, ni un peu. Pas du tout. D'accord ? Wa taghib tajrahu. Que tu le médis et que tu les critiques. Jaraha, c'est également, ça veut dire blessé. Loratan. Et là, c'est dans le sens de ta'an. Critiquer. Donc là, ces deux vers sont venus pour démontrer la croyance à avoir envers les sahaba. Radiallahu anhum. Qu'il n'est pas permis de les diffamer, de les critiquer, de les insulter, de les dénigrer, de les rabaisser. La yuthkaruna illa bil jamil. On ne parle d'eux qu'en bien. On fait leur éloge. On les aime. On les adule. On les respecte. On les prend comme exemple. Ma'annahum ghayr ma'soumin. Bien qu'ils ne soient pas infaillibles. D'accord ? Ils ne sont pas infaillibles. Les sahabas ne sont pas infaillibles. Mais leurs erreurs leur sont pardonnées à eux. Leurs erreurs leur sont déjà pardonnées. Car ils rentrent dans le hukm des mujtahidin. des gens qui font des ijtihadat sur des choses, par exemple quand un hadith ne leur a pas parvenu, ils ont commis une erreur, on sait qu'ils ne l'ont pas fait par passion. Ils l'ont fait par ijtihad de leur part. Et leur ijtihad, s'ils se trompent, sera compté comme une récompense pour eux. Car leur but à eux était d'atteindre la vérité. Naam. Faqal. وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وقد نطق قد هنا حرف تحقيق نطق c'est le fait de prononcer parler الوحي c'est la révélation ce qui est voulu par là c'est le Coran Coran al-Karim الوحي المبين الواضح البين La révélation claire. Bifadlihim, de leur vertu. Que le Coran a déjà énuméré leurs vertus. Exposé leurs vertus. Qui sont, dans le Coran, ils sont vantés. Wa fil fathi ayun fi sahabati tamdahu. Wa fil fath, c'est-à-dire surat al-fath. D'accord ? Des versets sur les sahaba faisant leur éloge. Mathalan, qu'a fait qu'on lit ta'ala, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta al-shajara fa'alima ma fi kulubihim fa'anzala al-sakinata alihim wa thabahum fathan qariba وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا Dans le sens, qu'Allah, dans le sens, il dit que Allah a certes déjà agréé les croyants, ceux qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre, qu'il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et a fait descendre sur eux la quiétude, et les a récompensés d'une conquête ou d'une victoire proche. وَقَالَ تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ أشدوا الكفار رحماء بينهم تراهم بكعا سجدا يبغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية que Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui c'est-à-dire les croyants les sahaba sont rudes envers les mécréants et miséricordieux envers eux. Tu les vois s'incliner et se prosterner, recherchant par cela les faveurs d'Allah et son agrément. Leurs traces sur leur visage, les traces de la prosternation. Et cela est tel leur exemple cité dans la Torah et dans l'Injil. Là, attention, là, simahum fi wujuhihim. Des gens ont cru qu'il s'agissait là de la marque qu'on a lorsqu'on se prosterne. Souvent, beaucoup de muslims, ils ont ça sur le front. Une marque. Le verset ne parle pas de ça, enfin, de la lumière sur le visage de l'imam. Ce verset n'est pas interprétable par cette marque sur le front. Que ceux qui font salat, ils ont. Et ça, c'est en fonction de l'épiderme. Parce que demain, quelqu'un n'aura pas cette marque-là, on va dire quoi de lui. T'en as, ils n'ont pas la marque. Elle se voit pas. Et t'en as, ils ont des marques, elles sont voyantes. Elles sont bien grosses. Là, c'est, ça varie. En fonction de l'épiderme, c'est pas plus ta marque elle est grosse, c'est plus tu es pieux, plus tu as fait salat. Déjà, ceux qui font beaucoup de salat, mais ça ne se voit pas sur eux. D'accord, ça ne se voit pas sur eux. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يُبَيِّعُونَكَ إِنَّمَا يُبَيِّعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِهِمْ Que ceux qui t'ont porté allégeance, n'ont fait que porter allégeance à Allah, et que la main d'Allah est au-dessus de leur main. Et il y a plein de fadaïs qui sont venus dans les sahaba, comme le Cheikh a cité, souvent les grands écrivains, les auteurs, qui ont fait des grands ouvrages dans la religion, ont pris pour coutume et habitude de mettre un chapitre étant propre à l'évocation des vertus des sahaba. Fadaïl et sahaba. D'accord ? Fadaïl et sahaba, tu le trouves dans les grands livres de la religion. Parmi les hadiths cités, car ils sont bien nombreux sur le Sahaba, مثلا ما جاء عن واثلة الأسقع عند ابن أبي شيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحباني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب صاحبان من صحباني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صحباني. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait dit que par Allah vous ne cesserez d'être dans le bien tant que seront en votre sein ceux qui m'ont vu. Qui sont-ils? Ceux qui l'ont vu? Ceux qui m'ont vu et qui m'ont accompagné. Qui sont-ils? Les sahaba. Ensuite il dit, par Allah, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que sera en votre sein ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu et qui ont accompagné, ceux qui m'ont accompagné. Qui sont-ils? Tabi'un. Thumma isita. Wallahi, par Allah, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que sera en votre sein ceux qui ont vu, ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu. Et ceux qui ont accompagné, ceux qui ont accompagné, ceux qui m'ont accompagné. Qui sont-ils? Atba et Tabi'in. La génération d'après. Donc là, dans ce hadith, les trois générations sont bien citées. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khayr Kurun, Korni, Thumma Alladhina Yalunahum. Thumma Alladhina Yalunahum. Que le meilleur des siècles est mon siècle, c'est-à-dire lui, c'est Sahaba. Ensuite, ceux qui viennent d'après, et ensuite, ceux qui viennent d'après. Al-Kurun Al-Thalafa, Al-Mufaddala. Trois meilleurs siècles. Ou le affaire de apporté par l'imam Ahmed sur l'imam Mas'ud, radiallahu anhu, قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أو قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأه سيئا فهو عند الله سيء. Donc il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans les cœurs de ses serviteurs, des serviteurs, et a trouvé que le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des cœurs parmi les serviteurs. Donc il l'a élevé et purifié pour lui-même et l'a envoyé avec son message. Ensuite il a regardé dans le cœur des serviteurs, après le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et a trouvé que les meilleurs des cœurs étaient ceux de ses compagnons. Donc il leur en a fait, c'est ses compagnons, on a dit ses ministres, ou ils auront, comme on a dit, c'est un soutien pour lui. D'accord? Il en a fait de son entourage. Entourage de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils combattent de sa religion. Est-ce que les musulmans ont vu comme bon, alors cela est bon auprès d'Allah. Est-ce qu'ils nous voient comme mauvais, cela est mauvais auprès d'Allah ce moment-là. Donc là, un tambih par rapport à cette partie du Athar, qui est Mokouf, Ibn Saoud. Ma ra al-muslimun hasanan, fa indallahi hasan. Parce que les musulmans ont vu comme étant bien, auprès d'Allah, cela est bien. Le sens voulu par les musulmans, là, c'est les sahaba. Ce n'est pas tous les musulmans. L'istihsan fi din, le fait de voir une chose bien, de l'agréer, si cela s'oppose à la législation, ce n'est pas accepté. Et puis entendre la bid'a. Qu'aujourd'hui, comme on l'a dit la dernière fois, la plupart des musulmans ne sont pas sur la voie droite. Et plein de choses qu'ils voient comme étant bonnes ne le sont pas. Donc ne pas prendre ce athar comme argument. Mais ce athar est un argument pour dire que l'unanimité des sahaba est une hujja. L'ijma est un argument. L'ijma des sahaba. Mais le col des sahabi tout seul n'en est pas un. Est-ce que les sahabes ont vu comme étant mauvais, sur lequel ils sont unanimes que cela est mauvais, alors cela est mauvais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, comme on a dit dans le sens de Moustalah, les sahaba kulluhum udul. Les sahaba sont tous des gens justes. Pourquoi? Car Allah dans le Coran, il a fait leur ta'adil, il a fait leur éloge. Donc nous, on n'a pas à rêver pour dire faible, fort, kaza kaza. On n'a pas à le faire. Ils ont un ta'adil de Rabbil Alamin. Le tardil et le jarh vient pour ceux qui viennent d'après eux. D'après les sahaba, on regarde à qui on a affaire pour savoir est-ce que c'est son hadith ou qui il est. Mais les sahaba, il n'y a rien à dire sur eux. Et même ce qui s'est passé entre eux comme conflit, cela c'était des ijtihad, on n'a pas les critiqués pour ça. Comme par exemple ce qu'il y a eu entre Muawiya et Ali, radiallahu anhuma, comme des accords, ce qu'ils sont suivis, on n'a pas rentré dedans et en parlé sans science et diffamer l'un ou l'autre. D'accord ? Celui qui a eu raison, il a raison. Celui qui se trompait, mais cependant, malgré qu'il soit trompé, il a la récompense de l'effort. Lui, il n'a pas voulu faire cela par passion ou par mauvaise intention. L'intention n'était pas mauvaise. Ijtahada, voilà Miosib. Aza ou Fakat. Et les Sahaba sont des bachars, comme tout le monde, comme nous. Entre eux, il y a eu des désaccords. Entre certains Sahaba, il y a eu des désaccords qui sont faits. Cela ne rabaisse rien de leur statut et de leur rang. D'accord ? Naam. Et comme je l'ai dit, il y a trois autres vers qui n'ont pas été cités, qui sont, donc après qu'il ait cité les Ashara, Al-Mubashirin, Al-Mubashirun, Al-Jannah, il a dit, en fait, qui sont les 19e, 20e et 21e vers. Il dit, Wa Aish, Umel Mu'minin, Wa Khaluna, Mu'awiyatu Akramu Minhu, Fawa Muslihu, Wa Ansaruhu, Wa Al-Hajiruna Diyarahum, بنصرهم عن ظلمات النار زحزحوا ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. En fait, ce verset parle de Aïcha, la mère des croyants. Comme cela est connu, celui qui parle sur elle, il la diffame et il l'accuse d'avoir forniqué, celui-là est un kafir, qui a évidemment le Coran. Car Allah SWT a dit, ils ont sauté Aïcha, de ce dont les hypocrites ont accusé, injustement. Il cita également Mu'awiya, il cita les Ansar, les Muhajiroun, il est connu que les Muhajiroun et les Ansar sont parmi les Sahaba. D'ailleurs, les Sahaba sont les trois catégories, comme on l'a pris. Ça reste Asnaf, les Muhajiroun, ceux qui ont laissé Mecca pour aller à Medina avec le prophète Mohammed. Eux sont les meilleurs. Ensuite, après eux, les Ansar, ceux qui traduisent par auxiliaire, qui étaient les résidents de Medina, qui les ont accueillis, et secourus, et soutenus. Et le troisième sont Muslimul Fatr, ceux qui se sont convertis après le Fatr, après la conquête de Mecca. والدليل على ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من الفتح من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما بما تفعلون خبير وتعملون خبير والله بما تعملون خبير. Donc il dit, ne sont pas égaux parmi vous ceux qui ont défoncé avant la conquête et qui ont combattu. Ceux-là sont de plus grand statut, de plus grand degré que ceux qui ont dépensé après et qui ont combattu. Mais à tous, Allah a promis la meilleure des récompenses. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Naam. طيب مفهوم هذا طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.